17 ans, l'amour n'était pas mon amant. Il était fait pour des beautés ou quelques filles des beaux quartiers. Le jour de la Saint-Valentin, il venait prendre par la main une autre qui était jolie. À 17 ans, j'ai tout appris. Et celle qui n'était pas belle n'avait qu'à rester chez elle et s'inventer au téléphone un amoureux nommé personne qui murmurait « Tu viens danser où ?» Il y a de faux printemps à 17 ans. J'ai vu des filles se marier sans amour et sans amitié. D'autres qui n'avaient pas vraiment su mériter un voile blanc. J'ai vu de riches héritières faire un mariage de misère. Quand ce n'était pas par orgueil, c'était la peur de rester seule. Elles ont triché avec leur cœur, elles ont gagné un faux bonheur. Elles ont perdu une jeunesse qui n'a pas tenu ses promesses. Et leurs grands yeux de provinciales s'ouvrent le jour où elles ont mal d'avoir un jour trahi leurs 17 ans. Et sans amant à 17 ans.